Entraînement ODELF A2, production orale, les clés de l'exercice en interaction. Exemple. Bonjour madame. Bonjour, que désirez-vous? Je voudrais trouver un club de natation. Bien sûr, voilà une liste. Merci. Vous habitez à Orléans? Oui. Alors vous pouvez bénéficier de réductions sur les inscriptions. Et qu'est-ce que je dois faire? Il vous faut un justificatif de domicile. Pardon, je n'ai pas bien compris. C'est très simple. Un justificatif de domicile, c'est par exemple une facture d'eau, de gaz ou d'électricité qui indique votre nom. D'accord. Je dois remplir quelque chose? Oui, vous devez remplir l'imprimé A387ST. Excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oui, naturellement. A387ST. Merci. Je peux le remplir chez moi? Bien sûr. C'est tout? Non, j'ai oublié de vous dire qu'il faut une photocopie de votre carte d'identité, passeport ou permis de conduire. Très bien. Voilà, et comme ça vous aurez une carte de la mairie qui vous donne droit à de nombreuses réductions. Parfait, je remplis la feuille, je reviens la semaine prochaine. Merci beaucoup madame. De rien, au revoir. Au revoir.